De tous les matins, il y eut ce matin. Les arbres japonisent le ciel. Les toiles d'araignée sont les hamacs de la rosée. Le café prend la couleur de la nuit qui se réveille. Torpeur de l'aube, il ne sait pas encore sa destinée. Bouche qui avale les premiers fragments de l'air. Parfum du sommeil encombré de lune riante au soleil, tu es là, comme moi, loin des appétits du monde, prête à regagner la tanière transparente du baiser. Terrasse s'étire, le bleu commence à te toucher. Prends ce nuage qui me ressemble, écarte le chemin, mon amour.